Marche. Je lève la tête de mon écran, je vois plus la vie des gens, je profite de la vue. Je te regarde boire ton café, les oiseaux sont venus chanter, c'est ça la vie de luxe. Je me laisse plus déborder quand la coupe est pleine. Ton compte rend qu'à la santé, le reste c'est pas un problème. Tout va bien, je pense plus tard à demain. Je profite d'aujourd'hui. Je prends chaque jour comme cadeau. À la vie, j'ouvre les bras. Les signes, je les reçois. Je suis là pour la vida. Je prends chaque jour comme cadeau. J'ai ouvert tous mes chakras. Les signes, je les reçois. Je suis là pour la vida. De passer la bague au doigt. À l'heure du coucher de soleil sur une plage au Costa Rica. C'est la dèche, on vivra d'amour et d'eau fraîche. J'ai des choses fêtées avec les gens que j'aime. De voir ma mère danser, faites que je m'en souvienne. Tout va bien, je penserai plus tard à demain. Je profite d'aujourd'hui, je prends chaque jour. Está mal de la mente. Cuando está solita que entre música para ponerla en ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez, yeah. Le busco otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el jet. Vamos a calentar. Baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar. Baby, yo quiero entrar. I want that daily.

I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads orderly, we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Cause I'm wearing your cologne. Bombs away, bombs away, bombs away.

have a soul. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. Don't let me down. nobody by my side. Marche. Na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na. Je veux qu'on se chante l'histoire de nos vies. Il était une fois sur cette mélodie. Toi et moi, mon cœur, l'homme de mes nuits. Toi, le remède à toutes mes maladies. La vague qui a balayé tous mes ennuis. Moi je suis ta voix, toi ma symphonie. On m'avait dit que l'amour était un cri. Le mien pour toi fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. C'est toi ma femme, c'est toi ma vie. Tu connais toutes mes mélodies. Ça devient trop ce qui nous arrive. Prends tous mes mots, prends toute ma vie. Mission accomplie. Bravo.